La guitare, non ? Je rentre chez moi. Je vais te voir. connaissait à peine. On s'était vu trois fois, mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au septième, au bout du corridor, tu baisais, tu caresses. Je ne désire plus rien dans ses bras. Je vois ses yeux qui remplis de tendresse. Alors je me dis, tu vas. Problème d'azur.